Bonjour, bonjour. Vous avez vu ce qui se passe? Comment que l'or est rendu haut? Comment l'or est rendu haut? Regardez là, il y a eu des fuites, hein, des fuites d'un plan de guerre. Oh. Puis là, les journalistes publient ça. Savez-vous ce qui se passe? Il se passe que ça, c'est le Pentagone qui fait exprès. Ben oui, puis c'est voulu. Sinon, les journalistes qui ont publié ça, ils auraient immédiatement été arrêtés pour trahison. Est-ce qu'on va le voir clair, le jeu? Ben, parce que c'est ça, là, c'est rendu une question de survie. Ça va être une question de survie. Il y en a qui se plaignent. Oh, mon loyer a augmenté. Ben oui, mais avez-vous vu les taux d'intérêt puis les taxes? Les propriétaires sont pas mieux que d'autres, là. Ils n'ont pas le choix. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils se lèchent la patte? Hein? Ils n'ont pas le choix. C'est comme ça. Donc, tout ça, c'était prévisible. Je me rappelle. Je pense c'est vers 2015. Vers 2015, je suis dans un magasin de tartes chamaniques pour m'acheter du charbon. Puis, il vient d'avoir, et il me semble, ça faisait pas longtemps, il y avait eu un tremblement de terre, je pense que c'est au Népal. Au Népal ou en Birmanie, dans ce coin-là. Puis, il y avait plein de temples qui avaient été sacrés à terre. Puis, la dame, là, a pleuré sur ça. Oh, les temples, les vieux temples bouddhistes qu'on avait dit. Voyons, ça va tout être sacré à terre, ça, dans l'avenir, madame. Ça va tout être détruit. Tout ça. Elle a dit, pourquoi tu souhaites ça? Voyons, je le souhaite pas. Je le souhaite pas. Je dis que ça va arriver. C'est pas parce que je dis que quelque chose va arriver que je le souhaite. C'est pas parce que je dis que quelque chose est une connerie que je le fais pour être méchant ou pour insulter le monde, hein? Ça, c'est ma compagnie de techniciens de surface préférée. C'est d'eux que j'ai eu ma Cadillac. Oui, j'ai une Cadillac, je vais vous la montrer. Et là. C'est très important dans les temps qui viennent d'avoir une bonne poubelle parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à acheter. Bonne journée. Bonne journée.